Je lis, je dis. Une patte, un âne, un balai, une auto, 40, une main, un bébé, un bec, un feu, une fleur, un peigne, une tente, un jardin, une robe, une rose, un hôtel, une poule, une voiture, un savon, une cuisine. Je lis, je dis. Une barbe, un arbre, un coq, une cigarette, une image, un huit, un homme, une jupe, un kilo, une moto, un œuf, une patte, une robe, un sac, une tasse, une usine, une table, une veste, un cheval, un phono, un quatre, une vigne. Leçon 1. C'est un, c'est une. C'est un livre. C'est un crayon. C'est une table. C'est une feuille de papier. Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Qu'est-ce que c'est? C'est une poupée. Est-ce que c'est une chaise? Oui, c'est une chaise. Est-ce que c'est une poupée? Non, c'est un ballon. La phrase française. Bonjour, monsieur. Bonjour, Paul. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Marie. Je prends un crayon. Paul, prends un crayon. Je prends une feuille de papier. Paul, prends une feuille de papier. J'écris leçon 1. Paul, écris leçon 1. Je lis leçon 1. Paul, lis leçon 1. Je compte. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Paul compte. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Au revoir, Paul. Au revoir, monsieur. Au revoir, Marie. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Leçon 2. Mon, ton, votre, son. Ma, ta, votre, ça. C'est mon ballon, à moi. Un ballon. C'est ton ballon, à toi. C'est votre ballon, à vous, monsieur. C'est son ballon, à lui. C'est ma poupée, à moi. Une poupée. C'est ta poupée, à toi. C'est votre poupée, à vous, mademoiselle. C'est sa poupée, à elle. C'est mon bras, c'est ta main, c'est sa tête. La phrase française. Bonjour, Paul, assieds-toi. Prends le livre, lis la leçon. Prends le crayon, écris la leçon. Bonjour Marie, assieds-toi. Prends le livre, lis la leçon. Prends le crayon, écris la leçon. Ce livre est à moi, c'est mon livre. Cette chaise est à moi, c'est ma chaise. Ce livre est à toi, c'est ton livre. Cette chaise est à toi, c'est ta chaise. Ce livre est à vous, monsieur, c'est votre livre. Cette chaise est à vous, madame. C'est votre chaise. Ce livre est à elle. C'est son livre. Cette chaise est à lui. C'est sa chaise. Marie, joue avec ta poupée. Promène ta poupée dans la voiture. Paul, joue avec ton ballon. Lance ton ballon dans le filet. Marie, Paul, compte. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Montre ton livre avec ta main. Je montre mon livre avec ma main. Montre ta poupée avec ta main. Je montre ma poupée avec ma main. Montre ton ballon avec ta main. Je montre mon ballon avec ma main. Montre ta tête avec ta main. Je montre ma tête avec ma main. Leçon 3. J'ai, des, mais, t'es, c'est. J'ai un ballon. Tu as un ballon. Vous avez un ballon, monsieur. Paul a un ballon. Il a un ballon. Nous avons des ballons. Vous avez des ballons. Ils ont des ballons. J'ai deux bras, le bras gauche et le bras droit. Voilà mes bras. Tu as deux mains, la main droite et la main gauche. Voilà tes mains. Paul a deux jambes, la jambe droite et la jambe gauche. Voilà ses jambes. Marie a deux pieds, le pied droit et le pied gauche. Voilà ses pieds. La phrase française. Bonjour, Paul. Bonjour, Marie. Assieds-toi. Prends ton livre. Je prends mon livre. Prends ta feuille de papier. Je prends ma feuille de papier. Dessine les ballons. Je dessine les ballons. Prends ton livre. Je le prends. Prends ta feuille de papier. Je la prends. Dessine les ballons. Je les dessine. Ouvre le livre. Je l'ouvre. Écris leçon 3. J'écris leçon 3. Lis leçon 3. Je lis leçon 3. Ferme le livre. Je le ferme. Compte. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leçon 4. Combien d'œufs il y a? Combien est-ce que tu as de crayons? J'ai un crayon. Combien est-ce que Paul a de crayons? Il a deux crayons. Il en a deux. Combien est-ce que Marie a de crayons? Elle a trois crayons. Elle en a trois. Il y a quatre livres sur la table. Combien est-ce qu'il y a de livres sur la table? Il y en a quatre. Il y a cinq crayons dans le sac. Combien est-ce qu'il y a de crayons dans le sac? Il y en a cinq. Il y a six crayons sous le sac. Combien est-ce qu'il y a de crayons sous le sac? Il y en a six. Voilà un doigt. Montre-moi sept doigts. Voilà sept doigts. Montre-moi huit doigts. Voilà huit doigts. Montre-moi neuf doigts. Voilà neuf doigts. Compte tes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des ballons. Il y en a 3. La phrase française. Compte tes doigts. Je les compte. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mets le livre sur la table. Je le mets sur la table. Mets le crayon sur la table. Je le mets sur la table. Mets le papier sur la table. Je le mets sur la table. Mets ta main dans ta poche. Je la mets dans ma poche. Mets ta main sur ta tête. Je la mets sur ma tête. Mets ta main sous la table. Je la mets sous la table. Révision. Leçon 1 à 4. Je lis. Je dis. Un livre. Un crayon. Une feuille de papier. Une table. Un sac. Une chaise. Un ballon. Une poupée. Un bras. Une main. Une tête. Un pied. Une jambe. Un doigt.